partir de tout, partir de rien, partir d'ici, partir de loin, partir d'un jour, partir ou bien partir au pif, partir de là, partir pour bouger, partir pour changer, partir pour bouger, changer, bouger, changer, bouger. Partir de là, je ne dis pas, mais c'est au moment de partir que tout file entre les doigts et je ne veux tout pour partir devienne une démesure en soi sous la sagesse d'un devenir. Quant à tout faire pour s'enrichir et pour le temps de son soupir en profiter pour partir. Part au courant de ses balises, marque un chemin qu'on ne devine pas, mais à l'empreinte de ses devises, sans l'horizon, dessine-toi. Et si notre air te cristallise, commence à poser des questions. Où ai-je pu foutre ma valise? Quand est-ce qu'on part? Où est-ce qu'on va? Profitons-en pour partir. Partir de tout, partir de rien, partir d'ici, partir de loin, partir d'un jour, partir ou bien partir au pif, partir de là, partir pour bouger, partir pour changer, partir pour bouger, changer, bouger, changer. Partir des songes et à bien plier toutes ces chaussettes de trois guenilles, un peu froissées, garder la place, toutes ces miettes, avoir l'oreille un peu tranquille, avoir le sac un peu léger. Deux éléments pas si futiles valent bien le coup de s'y arrêter, dont je profiterai pour partir. Meubler ton esprit, partir plutôt pour l'agrandir. Entre l'espace, le vis-à-vis, pas si facile de choisir. Partir au moins, se retrouver, partir au mieux, se ressourcer. Partir au pire, réconcilier avec ces tonnes de souvenirs. Ce souvenir qu'on respire. Qu'est-ce qu'on attend pour partir? Partir de tout, partir de rien, partir d'ici, partir de loin, partir d'un jour, partir ou bien partir au pif, partir de là, partir pour bouger, partir pour changer, partir pour bouger. Partir de tout, partir de rien, partir d'ici, partir de loin, partir d'un jour, partir ou bien partir au pif, partir de là, partir d'un jour, partir ou bien partir pour changer. Partir de tout, partir de rien, partir d'ici, partir de loin, partir d'un jour, partir ou bien partir au pif, partir de là, partir pour changer. Partir de tout, partir de rien, partir d'ici, partir de loin, partir d'un jour, partir ou bien partir pour changer.